J'ai cherché l'erreur au cœur des systèmes. Ce qui brille est un leurre, ce qui brille peut fondre au soleil. J'ai cherché l'erreur qui trouble mon sommeil. J'ai cherché pendant des heures pour voir que tout est à refaire. Enfin, d'adresse, je ne veux plus qu'en vain on se blesse. Je voudrais pouvoir